à une malabarèse. Tes pieds sont aussi fins que tes mains, et ta hanche est large à faire envie à la plus belle blanche. À l'artiste pensif, ton corps est doux et cher. Tes grands yeux de velours sont plus noirs que ta chair. Au pays chaud et bleu, où ton Dieu t'a fait naître, ta tâche est d'allumer la pipe de ton maître, de pourvoir les flacons d'eau fraîche et d'odeur, de chasser loin du lit les moustiques rôdeurs, et, dès que le matin fait chanter les platanes, d'acheter au bazar ananas et bananes. Tout le jour, où tu veux, tu mènes tes pieds nus et fredonnes tout bas de vieux airs inconnus. Et quand descend le soir au manteau d'écarlate, tu poses doucement ton corps sur une natte où tes rêves flottants sont pleins de colibris. Et toujours, comme toi, gracieux et fleuri. Pourquoi, l'heureux enfant, veux-tu voir notre France? Ce pays trop peuplé que fauche la souffrance, et, confiant ta vie aux bras forts des marins, faire de grands adieux à tes chers tamarins. Toi, vêtu à moitié de mousseline frêle, frissonnante là-bas sous la neige et les grêles, comme tu pleurerais tes loisirs doux et francs, si le corset brutal emprisonnant tes flancs, il te fallait glaner ton souper dans nos fanges et vendre le parfum de tes charmes étranges. L'œil pensif est suivant, dans nos sales brouillards, des cocotiers absents, les fantômes épars.